me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi les archives de la fin du 19e siècle sont-elles remplies de complots dans le contexte des luttes impérialistes? Pourquoi les Croumires et la thèse d'une conspiration pan-islamiste contre les Français? Pourquoi les Britanniques ne peuvent-ils qu'aboyer sans pouvoir mordre? Pourquoi le sultan et calife Abdulhamid a-t-il recours à l'arme de l'islam pour maintenir son autorité dans l'Empire ottoman? Pourquoi la dernière série de placards en avril 1881 à Khartoum, Bagdad, Beyrouth et même en Algérie est-elle clairement un manifeste de la nation arabe? Dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux provinces arabes de l'Empire ottoman, Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, poursuit aujourd'hui son récit de l'affirmation d'un nationalisme arabe et d'un panislamisme dans le monde de plus en plus interconnecté de la première mondialisation, en parallèle du développement des impérialismes anglais et français au tournant des années 1880. L'historien met également l'accent sur la politique d'expansion française vers Tunis et vers l'extension de l'influence en Syrie, grâce notamment au développement du réseau ferroviaire, faisant revivre les grands débats de l'Assemblée sous la Troisième République autour de l'Empire colonial et de l'idée promise à une longue continuité, maintenir le rang de la France. Tandis que l'Empire ottoman, lui, est confronté à de graves problèmes de finances. Dans son prochain livre à paraître chez Fayard à la mi-février, Les crises d'Orient, Henri Laurence résume ainsi la conquête tunisienne, et je le cite, « Une somme d'incidents en Algérie et dans le Sahara permet de valider la thèse du complot islamique, en particulier les mouvements de la tribu des Croumires sur les confins algéro-tunisiens. Au nom d'une opération de police, les troupes françaises envahissent la Tunisie le 24 avril 1881 et le protectorat français est imposé par le traité du Bardo le 12 mai. Durant l'été, un soulèvement tunisien impose une véritable guerre de conquête qui va durer jusqu'en mai 1882. Cette conquête suscite débats et craintes et va peser sur la suite, nous le verrons. Les Européens, les Ottomans, tout le monde voit des complots partout, tandis que des placards marquent les débuts d'un nationalisme arabe. La dernière série d'avril 1881, signée par la Société de la sauvegarde des droits de la nation arabe, proclame « Musulmans, vous êtes un peuple. Vous, chrétiens syriens, unissez-vous avec les musulmans ». Henri Laurence note à cette étape que la distinction entre Arabes et Turcs devient plus importante, même si elle n'est pas encore politique. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 23 novembre 2016 pour le cours d'Henri Laurence, Les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle, l'expansion française et les complots. Donc, le ministre des Affaires étrangères de Jules Ferry, on va le saluer, on va faire un petit tour sur lui parce que quand même d'abord il est peu connu parmi vous et ensuite c'est un professeur du Collège de France. Donc, au XIXe siècle, on a eu deux professeurs du Collège de France qui ont été ministres des Affaires étrangères. Au XXe siècle, ça ne s'est pas reproduit. Ça prouve simplement que les personnes cultivées avaient peut-être un rôle plus important sous la Troisième République commençante que sous notre Cinquième d'aujourd'hui. Il s'agit de Jules Barthélemy Saint-Hilaire, 1805-1895, dont le parcours, la carrière parcourt toute la vie intellectuelle et politique française du XIXe siècle. Jeune homme, il a participé à l'effervescence intellectuelle de la fin de la Restauration et il s'est lancé dans l'étude du sanskrit. Et on lui doit surtout l'œuvre monumentale de la traduction intégrale en français d'Aristote, qu'il a commencé en 1837 et qu'il terminera en 1892. Donc, d'abord, comme philosophe et helléniste, Barthélemy Saint-Hilaire est connu. C'est qui lui permet d'obtenir la chaire de philosophie antique au Collège de France en 1838. En 1848, il est secrétaire du gouvernement provisoire, puis député républicain, ce qui lui permet de rétablir le Collège de France qui avait été manqué d'être supprimé par la Seconde République qui voulait le remplacer par une école nationale d'administration. Ben, c'est plus rien, il s'appelait l'ENA. Et l'ENA aurait remplacé le Collège de France et heureusement que Barthélemy Saint-Hilaire s'y était opposé. Ses collèges reconnaissants l'ont élu administrateur du Collège de France pour service rendu à l'institution, mais en 1852, le coup d'État de Napoléon le prive de son mandat législatif, et puis, comme il refuse de prêter serment à Napoléon III, il est privé de sa chaire du Collège de France. En 1855, il a collaboré avec les Lesseps sur le projet de canal de Suez. Mais dès 1858, il a démissionné parce qu'il a vu toutes les acrobaties financières qui accompagnaient l'action de Lesseps. Durant sa traversée du désert, donc, il continue à traduire Aristote, mais fait aussi une étude sur les origines du bouddhisme et un livre sur Mahomet et le Coran, précédé d'une introduction sur les devoirs mutuels de la philosophie et de la religion, publié à Paris en 1865. Il y donne une vue plutôt sympathique du prophète. Je cite, « Selon moi, l'impartiale histoire ne peut plus avoir une autre opinion. Désormais, Mahomet lui apparaîtra comme un des hommes les plus extraordinaires et les plus grands qui se soient montrés sur Terre. » Cet homme extraordinaire est évidemment très proche de la célèbre expression de Renan au Collège de France en 1862, « Jésus, cet homme incomparable. » Le livre lui-même n'est pas d'une très grande originalité pour Saint-Hilaire. De tous les fondateurs de religion, Mahomet est celui dont on connaît mieux le contexte historique. Il est totalement sincère. Sa personnalité est proche de celle de Moïse, à qui on peut le comparer. Son texte correspond à la civilisation du temps qui était relativement barbare dans la péninsule arabique. C'était aussi quelqu'un qui en quelque sorte faisait naître la nation arabe, hein, je cite. Il s'est trouvé sans le savoir, sans le vouloir, le plus grand homme de guerre de son temps, le politique le plus habile. Il a fondé un empire presque malgré lui. C'est que tout était prêt dans le monde arabe auquel il s'adressait pour la révolution politique, aussi bien que pour la résurrection morale. Alors certes, l'islam est irrémédiablement inférieur au christianisme, mais les musulmans forment les peuples les plus éclairés de tous les orientaux, dit Saint-Hilaire. La preuve de sa force réside dans la fermeté de foi des musulmans qui refusent toute conversion et rejettent l'incrédulité. Saint-Hilaire est un philosophe spiritualiste, donc il s'oppose à l'athéisme. Donc, pour Saint-Hilaire, la théologie islamique lui paraît aussi simple qu'irréprochable, alors qu'il déteste ce qu'il considère comme l'anéantissement de soi-même que représente le bouddhisme. Saint-Hilaire utilise dans son livre peu le terme islamisme, qui est l'expression habituelle de son temps. Il suit plutôt l'usage anglo-saxon, qui est de dire islam, rare dans les textes français du XIXe siècle. Mais il utilise aussi mahométisme. Mahométisme, qui est d'ailleurs une traduction d'un terme courant à l'époque dans l'Empire ottoman, puisque l'on parle de la nation de Mahomet, al-Milla Mohammadiyya, Donc ce n'est pas du tout un occidentalisme dire mahométisme, c'est la reprise, la traduction d'un terme courant dans la langue arabe du XIXe siècle. En 1869, Saint-Hilaire est élu député au corps législatif, puis à l'Assemblée nationale de 1871. Il est le secrétaire général de la présidence de la République sous Thiers et fait partie des sénateurs inamovibles de la Constitution de 1875. Donc, vous voyez, la République des Républicains met quand même des très grands intellectuels au poste de commande ici de ministre des Affaires étrangères, même si évidemment ses adversaires politiques se moquent de cet universitaire perdu dans les méandres de la politique. L'intervention française en Tunisie a eu lieu en 1881, dans la mesure où l'Allemagne d'un côté et la Grande-Bretagne de l'autre côté avaient suggéré à la France qu'il serait temps qu'elle s'empare de la Tunisie. Et dans cette affaire, donc, Barthélemy Saint-Hilaire est très proche de Jules Ferry, qui est le président du Conseil et ministre de l'Enseignement public. Le problème, c'est l'hostilité de l'opinion publique française à une aventure coloniale. On a le souvenir de la catastrophique expédition du Mexique sous Napoléon III. Et la paysannerie française qui fournit les soldats, elle aussi, elle n'est pas très heureuse à l'idée de voir ses enfants tués un peu partout dans le monde. Mais l'idée principale du groupe des Républicains qui relance l'expédition coloniale, enfin l'expansion coloniale, c'est une phrase qui va revenir périodiquement dans toute l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenir le rang de la France. Le mot se trouve déjà en 1880, comme on le retrouvera un siècle après chez François Mitterrand, à propos de l'Irak en 1990-1991. C'est le mot clé pour comprendre la politique étrangère de la France. Sur place, c'est la querelle des consuls avec le célèbre consul de France, Théodore Roustan, qui pousse à une intervention militaire française, et Roustan va trouver le prétexte dans une incursion d'une tribu bédouine du secteur, les Croumires. Et donc à partir du fait réel qu'il y a quelques troubles dans la tribu des Croumires, on va créer toute une source qu'on va faire monter pour justifier l'intervention française. Donc Paris interroge l'ambassadeur de France à Constantinople, Tissot, qui est lui aussi partisan de cet ancien archéologue, hein, Tissot. Tissot était donc partisan de la conquête de la Tunisie et qui, depuis 2 ans, alimente Paris de dépêches sur la grande conspiration pan-islamiste tramée par le sultan Abdulhamid pour ruiner l'empire colonial français. Donc Tissot va expliquer à Paris que derrière les Croumires, il y a la conspiration pan-islamiste contre la France. Et dans l'affaire, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle pas très clair. Alors, comme c'est d'habitude, considérer quelqu'un comme un gentil dans l'histoire, c'est toujours un peu gênant qu'on le rappelle, c'est le fameux Reredine, l'ancien premier ministre tunisien et réformateur, parce que le principal problème de l'affaire tunisienne, enfin, qui va servir de prétexte au départ, c'est que Reredine a quitté Tunis pour exercer les fonctions de grand vizir à Constantinople pendant quelques mois et qu'au passage, il a vendu ses propriétés foncières aux Français. Et les consuls britanniques et italiens tentent à s'opposer à l'achat des propriétés de Reredine par les Français, parce que ce serait un pas de géant dans la progression de la conquête économique française en Tunisie. C'est ce que j'ai rappelé la dernière fois en appelant ça le morbus consularis, ces oppositions de consuls sur place. Et donc Tissot va consulter Reheddine, qui laisse entendre qu'il est prêt à être bey à la place du bey de Tunis si les Français veulent bien de lui. En tout cas, dans la dépêche, Reheddine refuse de reconnaître toute qualité califale au sultan Abdulhamid. Donc, je cite la dépêche du 23 janvier 1881. « J'ai également la certitude qu'Abdulhamid incline à affirmer plus que jamais qu'il n'a fait jamais aucun de ses prédécesseurs ses prétendus droits sur la régence de Tunis. Il ne s'agit pas ici seulement de la suzeraineté spirituelle qu'il peut plus ou moins légitimement revendiquer en sa qualité de calife. Ce qu'il affirme, ce qu'il prétend établir, c'est le lien politique qui, au dire de la porte, n'aurait jamais cessé d'exister entre Constantinople et le Beylik. Un entretien que j'ai eu dernièrement avec Reheddin Pacha ne me permet pas de mettre en doute ces tendances du sultan. Il n'y a pas de calife, m'a dit l'ancien grand vizir. Tout musulman instruit sait que ce titre n'a été reconnu qu'au premier successeur de Mahomet. Le titre de calife porté depuis par les différents souverains qui régnaient simultanément sur le monde musulman n'a pas de valeur au point de vue religieux. C'est un titre politique. Et quand le sultan parle des droits que sa qualité de calife lui confère sur Tunis, tenez-vous pour certain que ce sont des droits politiques qu'il entend affirmer. Donc on voit que la question porte aussi sur la qualité de calife ou non du sultan Abdulhamid. Toujours est-il que la France envoie au début de février 1881 un navire de guerre, le Friedland, au large de la Tunisie, ce qui provoque une protestation britannique. Alors, comme on ne veut pas dire que toute cette manifestation militaire a lieu à propos d'un conflit sur des propriétés, la France va ressortir comme excuse adressée aux Britanniques le complot pan-islamique. Je cite dans la dépêche du 4 février 1881 à destination de l'ambassadeur britannique à Paris, Lord Nunes. Le mouvement du Friedland a été décidé à la suite de renseignements très alarmants qui étaient transmis de Constantinople et qui représentaient comme imminente une tentative de la porte ottomane pour établir sa domination sur la Tunisie. Il est à la connaissance du gouvernement français et sans doute aussi du gouvernement britannique que le sultan Abdulhamid poursuit depuis quelque temps dans tous les pays musulmans des desseins secrets qui, au fond, sont aussi hostiles à l'Angleterre qu'à la France, et que le cabinet de Londres, par conséquent, ne saurait voir d'un œil favorable. Les intelligences mystérieuses entretenues par le sultan actuel s'étendent jusque parmi les populations musulmanes de l'Inde, et c'est probablement à son instigation qu'est dû ce récent complot islamique découvert en Inde, à Kolhapur. Alors là, l'information sur le complot islamique vient de l'ambassade de France à Constantinople. Donc, on a là exactement l'invention d'une menace pour justifier l'invasion française de la Tunisie. On invente un complot pan-islamique qui est totalement inexistant dans les faits. Ce qu'on peut appeler à d'autres époques du bon usage du terrorisme, des armes de destruction massive, etc. Alors, il est certain que depuis l'expédition d'Égypte de 1798, les responsables ottomans ont pris conscience de la vulnérabilité des Britanniques en Inde, qui doivent tenir compte de l'opinion publique musulmane. Et la grande révolte des Sipayes de 1856, la fameuse mutinerie, comme ça, est là pour le rappeler. Et donc le moindre soulèvement local, le moindre trouble local est toujours considéré comme un signe inquiétant, puisqu'il pourrait annoncer une grande révolte, à l'instar de celle de 1857. Alors, par surcroît, nous avons le grand jeu, c'est-à-dire l'opposition entre Britanniques et Russes en Asie centrale, en Afghanistan et en Perse, c'est-à-dire en Iran actuel. Et comme maintenant on parle d'un monde musulman Puis pour simplifier, le monde musulman, j'ai dû le dire la dernière fois, c'est la création de l'ouverture du canal de Suez, c'est-à-dire la mise en relation de l'ensemble des pays peuplés par les musulmans par les moyens modernes de la technologie du XIXe siècle. Et donc, ce qui se passe en islam méditerranéen se répercute sur l'islam indien et réciproquement. Donc, lors de la guerre de 1877-1878, Abdul Hamid a essayé de jouer sur les musulmans indiens pour faire bouger la politique britannique. Et on a donc un système relationnel qui s'est créé, que le sultan tente d'aviver une solidarité musulmane, ce qui est déjà un thème des réformistes musulmans, afin de modifier les rapports de force avec les puissances européennes, ce qui provoque les inquiétudes des puissances européennes, promptes à déceler un complot musulman qui s'ajoute aux intrigues des autres puissances européennes dans les régions qu'ils convoitent. Alors, une fois pour toutes, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est un point essentiel, la théorie du complot, c'est d'abord une théorie inhérente au système colonial européen. Les archives coloniales des différentes puissances européennes sont remplies de complots attribués aux uns et aux autres. Alors, comme toujours dans un complot, il y a l'interprétation de faits objectifs. Alors, le fait objectif, c'est qu'on est entré dans la ruée sur l'Afrique, le Scramble for Africa, puisque depuis 1880, c'est le début de l'ère des empires, c'est à partir de 1880 qu'on commence à utiliser le terme impérialisme et impérialiste, au sens moderne du terme, évidemment. Et en novembre 1879, le lieutenant-colonel Flatters, le français, a été chargé de la recherche et de l'étude d'un tracé de chemin de fer qui devait partir de notre territoire algérien pour aller aboutir dans le Soudan entre le Niger et le lac Tchad. Ce sera une des grandes chimères de l'empire colonial français, c'est de faire un chemin de fer transsaharien qui n'existera jamais parce que, encore une fois, comme disaient les autres, c'est absurde de faire traverser un désert par un chemin de fer, il n'y a rien à transporter. Mais encore en 1941-42, le régime de Vichy relancera des travaux sur le transsaharien, ce qui marque la continuité de l'administration française. Donc, en février 1880, Flatters commence sa première mission à laquelle participe, entre autres, un jeune officier de l'armée coloniale française, Alfred Le Châtelier. Les grandes oasis sahariennes sont reconnues et les contacts sont pris avec les chefs Touareg. Et en juin 1880, c'est la fin de la première mission Flatters. Et la seconde mission Flatters est préparée avec destination d'aller jusqu'au Hoggar. Comme on connaît l'opposition des populations, cette seconde mission Flatters doit être une démonstration de force. La part en décembre 1880, sans Alfred Le Châtelier, qui reste en arrière, parce qu'on lui donne un commandement sur place au Sahara, donc il ne participe pas à la seconde mission Flatter, ce qui nous permettra de l'avoir 20 ans après comme professeur au Collège de France. Sinon, il aurait eu quelques problèmes, puisque la mission Flatter s'est massacrée le 16 février 1881 par des Touaregs, et les seuls survivants de la mission seront des soldats indigènes de la mission, mais tous les Européens auront été tués. Même si l'affaire est totalement locale, les Français attribuent une influence au moins morale, une responsabilité morale sur les Ottomans qui sont en Cyrénaïque et en Tripolitaine, c'est-à-dire dans la Libye, dans l'affaire du massacre de la mission Flatters. Même affaire, c'est dans le sud oranais. Il y a eu un petit soulèvement en 1881 qui a conduit à un massacre de travailleurs espagnols. Et donc ceci, évidemment, a avivé les inquiétudes des milieux franco-algériens, enfin de Français d'Algérie, sur une menace de soulèvement musulman. Donc les Croumires tombent bien, puisqu'après ces deux affaires, ça explique bien qu'il y a complot et que donc en détruisant, en intervenant en Tunisie, on mettra fin au complot, et c'est ce que les Français expliquent aux Anglais pour justifier l'intervention française. Il y va de, pour notre position en Algérie, d'un intérêt aussi sérieux que l'est pour l'Inde anglaise, le maintien de la liberté et de la sécurité de ses communications avec la métropole. Nous respectons loyalement, au profit de l'Angleterre, cet intérêt de premier ordre sur le canal de Suez et dans la mer Rouge. Nous devons compter que par une juste réciprocité, les Anglais respectent notre entière liberté d'action à Tunis et nous laissent mettre de pourvoir sur un point aussi essentiel pour nous à toutes les nécessités de notre politique. Donc, le 7 avril 1881, Jules Ferry obtient pratiquement sans opposition le vote des crédits extraordinaires pour financer une opération qui est présentée seulement comme une opération de rétablissement de l'ordre sur les frontières de l'Algérie. Le 24 avril, les troupes françaises franchissent la frontière tunisienne et ne rencontrent guère de résistance. Le 12 mai, le Bey de Tunis doit signer le traité du Bardo qui impose un protectorat français sur le pays. Les opérations militaires sont rapidement terminées et une grande partie des troupes sont rapatriées en métropole, la France ne conservant qu'un dispositif léger d'occupation. En juillet 1881, les tribus tunisiennes vont se révolter, ce qui impliquera en fait une véritable campagne militaire de longue durée pour faire la véritable conquête de la Tunisie, qui va durer une bonne année jusqu'en mai 1882. Ceci est important pour comprendre les détails chronologiques parce que il faut donc penser que la guerre de Tunisie va aller de juillet 1881 à mai 1882. Alors, les armes britanniques avaient protesté, mais les Français avaient répondu « On a fait que ce que nous avait accordé à Berlin par le biais de Lord Salisbury. Et si vous êtes continué à protester, on rend public l'engagement de Lord Salisbury. » Et donc, les Anglais sont obligés, non pas de se taire, mais comme dit Lord Grenville, qui est secrétaire au Foreign Office, ils doivent se contenter de devoir aboyer sans pouvoir mordre, ce qui est aussi une définition souvent de la diplomatie européenne de nos jours. Et on fait porter la responsabilité de la crise sur le gouvernement précédent, ce qui est évidemment une règle générale. Et surtout, les Anglais disent d'accord pour la Tunisie, mais allez pas plus loin. Si vous envahissez la Tripolitaine et la Cyrénaïque, vous remettez en cause l'accord de parité entre la France et la Grande-Bretagne sur l'Égypte. Alors, lors du débat de ratification du traité du Bardo, Clémenceau, au nom de l'opposition républicaine, s'en est pris au fait accompli qui ne correspond pas à l'opération de police qui a été annoncée. Les orateurs de l'opposition s'inquiètent du risque de brouille avec l'Italie, du danger de mécontenter les musulmans et les Ottomans, et marquent le peu d'intérêt de la conquête coloniale pour un pays qui n'a pas d'excédent de population. C'est-à-dire, la France n'a pas d'excédent de population, alors pourquoi conquérir des territoires si on ne peut pas les peupler? Mais il n'y a pas de véritable débat de fond. Lors du vote, les opposants se contentent de s'abstenir plutôt que de voter contre. En revanche, le célèbre polémiste Henri Rochefort lance une campagne de presse mordante, ironisant sur l'existence des Croumires. La phrase est célèbre. Une chose à la fois étrange, folichonne, translunaire, et à laquelle on n'a pas assez réfléchi, c'est qu'il n'y a pas de Croumires. Le cabinet Ferry offrirait 30 000 francs à qui lui procurait un Croumire afin de pouvoir le montrer à l'armée. Et pour en finir avec les Croumires, leur dernière apparition, c'est parmi l'un des 500 jurons du capitaine Haddock dans Tintin. En dehors de ça, je crois qu'on n'en parle plus d'eux. Alors, en dehors de l'invention des chromires, la presse radicale française évoque des intérêts financiers occultes qui seraient derrière la campagne de Tunisie et l'insurrection de l'été 1880 va servir de prétexte aux radicaux pour essayer de faire tomber Jules Ferry. On fait campagne sur le fait de savoir s'il s'agit d'opérations de police ou d'une véritable guerre, mais ce n'est pas une distinction vaine. Si c'est une opération de police, la Croix-Rouge n'a pas à intervenir. Si c'est une guerre, la Croix-Rouge, qui a 20 ans d'existence, peut intervenir. Donc la question du statut juridique correspond aussi. Mais en règle générale, la Croix-Rouge n'intervient pas lors des grandes expéditions coloniales européennes. Elle intervient dans les guerres ottomanes, mais non dans les expéditions coloniales. Et en réalité, la Croix-Rouge n'apparaîtra sur un champ colonial qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lors de la tentative de réoccupation de l'Indonésie par les Néerlandais en 1946-47. Ce sera la première intervention non européenne de la Croix-Rouge sur un théâtre dit d'opération, en tout cas colonial, voire ex-colonial. C'est-à-dire que la Croix-Rouge ne peut intervenir que là où il y a des États reconnus. S'il n'y a pas d'États reconnus, il n'y a pas de Croix-Rouge. Donc, c'est le dernier grand débat parlementaire de 1881, aura lieu au début du mois de novembre, lors de l'entrée en fonction d'une nouvelle Chambre des députés. Et Jules Ferry va ainsi défendre sa politique. Je cite, « L'expédition de la Tunisie, c'est la France qui la faisait, c'est la France qui la voulait et qui l'a acclamée. » Rumeur sur différents bancs de la gauche. « Elle l'a acclamée non pas comme une promesse de victoire militaire, de ces victoires faciles du fort contre le faible, mais par un sentiment plus élevé, comprenant fort bien qu'il y avait là un grand intérêt national à sauvegarder et qu'en allant en Tunisie, elle faisait un pas de plus vers l'accomplissement de la tâche glorieuse que ses destinées lui ont confiée, le triomphe de la civilisation sur la barbarie. » Murmure à droite, puisque je vous rappelle, la droite est anticoloniale dans cette période. « La seule forme d'esprit de conquête que la morale moderne puisse admettre. » Donc, rappelez-vous, ce fait fondamental dans les premières décennies de la Troisième République, ce sont les républicains qui font l'expansion coloniale et la droite monarchiste conservatrice est hostile à cette expansion coloniale. Alors, ensuite, il y aura des glissements dans la vie politique française qui changeront les positions, mais c'est un point qu'il faut rappeler. Et donc, Jules Ferry continue en justifiant l'expédition de Tunisie comme la lutte contre le fanatisme musulman. Croyez bien que la cause de l'insurrection du Sud est ailleurs que dans le retrait d'une partie des troupes. Elle est beaucoup plus profonde que cela. Elle tient à un phénomène social dont nous sommes avisés depuis un grand nombre de mois par nos agents diplomatiques en pays musulmans. Ce soulèvement tient à la profonde agitation qui règne dans l'islam depuis la guerre de Russie contre la Turquie, c'est-à-dire depuis 1877, du fond de Sahara jusqu'à la frontière algérienne et sur toutes les rives de la Méditerranée, aussi bien par le massacre de Saïda que par le massacre de la mission du colonel Flatters, que par les entreprises du calife à Constantinople. Le réveil du fanatisme musulman depuis 1877 est attesté comme fait patent, certains croissant en importance. C'est ce qui me permet de dire que la France, en faisant pour sa propre défense ce qu'elle a fait en Tunisie, ce qu'elle y a fait encore, à l'heure qu'il est, a apporté à cette renaissance du fanatisme musulman un coup mortel qu'elle a rendu ainsi un nouveau et capital service à la cause de la civilisation qu'elle sert depuis si longtemps. Rumeurs et interruptions à droite, mouvements divers, puisque c'est la droite qui conteste et pas la gauche. Et donc, évidemment, ce grand discours de 1881 peut ressembler à certains discours tout à fait contemporains. En tout cas, la séance a été extrêmement mouvementée, puisqu'il y a eu 23 propositions d'ordre du jour motivées qui ont été rejetées, jusque finalement, Gambetta, qui fait adopter l'ordre du jour suivant. La Chambre résolue à l'exécution intégrale du traité inscrit par la nation française le 12 mai 1881, passe à l'ordre du jour. Donc on a voté sur l'ordre du jour, enfin on a fait voter un ordre du jour sur l'ordre du jour, et cela conduit évidemment Jules Ferry à démissionner et à laisser la place à Gambetta, qui est le véritable chef du Parti républicain, qui forme le 14 novembre 1881 ce qu'on va appeler le grand ministère Gambetta, qui sera très court puisqu'il va durer jusqu'au 30 janvier 1882. Alors l'échec de Gambetta, c'est pas tellement un échec, nous le verrons, sur la question coloniale que sur le fait que la République des Républicains ne veut pas d'un exécutif fort. Donc on use ces grands leaders comme Jules Ferry ou Gambetta pour empêcher la constitution d'un exécutif fort pour que l'Assemblée conserve les leviers du pouvoir. Donc, vous voyez, cette invasion de la Tunisie, elle est largement... Enfin, bon, elle était dans la logique de l'expansion française en Afrique du Nord, ça n'a pas de problème. Mais le prétexte, eh bien, c'est l'invention du pan-islamisme comme complot qui n'a aucune réalité, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas par ailleurs un mouvement pan-islamique, mais pas dans l'affaire tunisienne. Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle. Alors maintenant nous changeons, nous revenons à la Syrie avec la seconde mission Torsi. Rappelez notre brave capitaine de Torsi. Donc, Torsi est là parce que les Français sont plus calmes maintenant que Midat Pacha est tombé, que Layard a été rappelé. Et maintenant, on passe de la défensive par rapport au projet supposé des Britanniques sur la Syrie à plus ou moins une offensive. Les Français veulent consolider leur influence sur cette Syrie, et dans ce but, au printemps 1881, le capitaine de Torsi se trouve chargé d'une nouvelle mission, dont la version officielle, c'est la constitution d'un réseau ferroviaire syrien, et la raison officieuse, c'est de continuer à prendre de contact avec les Druzes du Oran et les Ansariyés, les Alaouites de la région de l'attaquer, puisque dans la ligne fixée par le premier rapport Torsi, le but est de transformer ces deux minorités musulmanes en vecteurs de l'influence française en Syrie. Donc le capitaine de Torsi est d'autant mieux reçu par les autorités provinciales que l'on connaissait ses relations avec le sultan et son rôle dans la déposition de Medat Pacha. Il est arrivé au moment d'un mouvement de révolte des Druzes dans le Oran. Le Oran, c'est de l'autre côté du lac de Galilée, c'est-à-dire le lac de Tibériade. Comme ils sont classés parmi les alliés de la Grande-Bretagne, on attend du Français qu'ils soutiennent ouvertement la répression ottomane. Mais le Torsi va plutôt tenter de rallier les Druzes aux Français et les faire quitter la protection britannique, comme il explique, conquérir les Druzes, ce qui ne saurait être que le résultat de longs et persévérants efforts. Il faut au moins leur témoigner intérêt et sympathie pour attirer à nous quelques-uns d'entre eux de façon à les affaiblir en les divisant d'intérêt. Mais quand il arrive à Damas, l'attaché militaire discute avec le consul de France et considère qu'il ne veut pas risquer de compromettre mon uniforme et jusqu'à un certain point l'ambassade dans une aventure. Et donc il renonce à se rendre dans le Oran et le consulat de France offre sa médiation entre les révoltés druzes et les autorités ottomanes. De même, quand Torsi va dans la région de Latakié, il essaye de contacter les représentants des Alaouites. Ça marche très mal. Il rencontre d'abord à Damas, un grand cheikh alaouite, qu'il rencontre cheikh Abdelkader, qui est toujours l'ami des Français et pensionné des Français. Donc c'est normal que l'attaché militaire français rende visite à Abdelkader pour discuter avec des chefs alaouites. Ce chef qui depuis longtemps souhaite l'appui de la France et qui en 1880 m'avait envoyé son fils à Amma pour m'inviter à aller le voir dans la montagne a paru extrêmement embarrassé vis-à-vis de nous et tout en protestant de son regret de ne pouvoir me recevoir et de son désir que j'y fasse une visite à son fils nous a semblé assez désireux que je n'accepte pas cette invitation. Il m'est revenu en effet d'autre part que depuis l'année dernière, Arouach B, donc ce B à Alaouite, lassé de l'indifférence de la France et circonvenu par son médecin, le Drus Tusnis, ancien élève de l'école de médecine protestante de Beyrouth, donc du Syrian Protestant College, aurait marqué l'intention de se rapprocher des Anglais. On m'assure même que les protestants ont déjà obtenu de lui de créer une école à Loctin, sa résidence. Là, vous voyez la concurrence entre les missionnaires américains et les missionnaires catholique français. En raison de ces déconvenues, la nouvelle mission du capitaine de Torsi se limite à être une reconnaissance géographique et militaire de la Syrie centrale et le rapport final aboutit à des conclusions négatives. Le commerce de Damas est en pleine décroissance du fait de l'ouverture du canal de Suez qui a détourné une partie du trafic terrestre. La richesse locale épuisée n'appelle plus à elle les produits qu'elle ne consomme plus et Damas s'éteint peu à peu. Le seul débouché de la Syrie, c'est Beyrouth. Et la construction d'une ligne ferroviaire Beyrouth-Damas imposerait des travaux considérables du fait du relief élevé du mont Liban et de l'anti-Liban. Le seul intérêt pratique serait l'ouverture d'une route carrossable entre Damas et Homs. Un chemin de fer serait onéreux, difficile et sans intérêt. En revanche, il serait intéressant d'ouvrir une ligne de chemin de fer entre Tripoli, Homs, Hama et Alep, cette dernière ville permettant d'accéder facilement à la vallée de l'Euphrate. Les obstacles créés par le relief y sont nettement moins importants. Alep connaît le même déclin que Damas, mais du fait de sa position géographique, une communication ferroviaire avec la Méditerranée pourrait relancer son commerce. Donc les conclusions sont plutôt négatives, mais finalement, ce réseau de fer, on aura l'occasion de voir les années suivantes, les prochaines années, se fera progressivement et sera pratiquement achevé à la veille de 1914. Et l'autre idée était de faire un chemin de fer de Damas à Aqaba sur la mer Rouge, mais là encore, les difficultés techniques sont importantes. Et surtout, l'intérêt économique est nul. Ce chemin de fer, dont le prix serait relativement considérable, n'aurait donc qu'un intérêt politique pour la Turquie en lui permettant de communiquer avec l'Arabie sans être obligé d'emprunter la mer Méditerranée, qui peut lui être fermée facilement. Nous ne croyons pas que la Turquie soit en état de faire cette dépense, mais il serait peut-être bon, si c'est à elle qu'il faut s'adresser pour obtenir l'autorisation d'effectuer les lignes utiles que nous avons signalées, d'indiquer comme réalisables celles d'Aqaba, et nous verrons un de ces jours toute la crise d'Aqaba en 1906 justement à propos de l'arrivée du chemin de fer du Hedjaz sur la mer Rouge. Alors le fait même que les derniers rapports se limitent à des études géographiques sur le commerce et le chemin de fer montre que l'on s'éloigne des considérations politiques envisagées l'année précédente. Les études démontrent que la mise en valeur de la Syrie nécessiterait des sommes considérables pour des rendements aléatoires. Même les routes carrossables qui nécessiteraient des péages pour en amortir les coûts seraient victimes de la concurrence des caravanes. Il faudrait donc que le pouvoir leur assure le monopole de la circulation pour qu'elle soit rentable. Donc on abandonne ces grands projets d'infrastructure terrestre français. Il est assez clair que si encore des journalistes évoquent un immense chemin de fer reliant l'océan Indien à la Méditerranée, ce qui sera la tarte à la crème de toute l'affaire du Proche-Orient jusqu'en 1914, puisque le dernier, ce sera le fameux chemin de fer de Bagdad. En 1881, on en revient à une politique dite levantine de protection des régions côtières, avec la priorité donnée au soutien des congrégations missionnaires catholiques. Alors, après le rappel de Médat, le pouvoir central ottoman a pris au sérieux la menace d'un soulèvement arabe dans les provinces syriennes. Le moindre mouvement de tribus bédouines ou de soulèvements locaux provoque inquiétude et spéculation. Et évidemment, l'arme utilisée par Abdul Hamid, ça va être le recours à l'islam pour maintenir tout simplement ses propres sujets dans l'obéissance. Et donc, dans le second trimestre de 1880, Abdul Hamid insiste de plus en plus sur ses titres califaux et il se plaint auprès de l'ambassade de France des campagnes de presse, de la presse arabe publiée en France qui contestent l'existence et la légitimité du califat ottoman. J'ai déjà insisté sur ce rôle important que joue cette presse d'opposition en exil publiée en arabe et en turc en France et en Grande-Bretagne depuis la fin des années 1870. Alors, c'est dans ce contexte qu'à la fin de 1880 et au début de 1881, de nouveaux placards sont affichés à Damas et à Tripoli. Nous n'en avons que la traduction française pour ces placards, parce que c'est sources consulaires qui nous ont donné l'information. On y parle de compatriotes syriens et on se prend avec véhémence à la tyrannie des Turcs qui refusent l'usage de la langue arabe, qui gèrent mal les biens religieux waqf et qui ont usurpé le califat. Donc là, on a le thème du califat. On appelle une indépendance en commun avec les frères libanais à l'emploi de l'arabe comme langue officielle et l'emploi des soldats au seul service de la patrie, ça veut dire en clair ne pas les transporter en dehors des provinces syriennes pour aller se battre sur le Caucase ou dans les Balkans. Alors, comme d'habitude, on a cherché les suspects habituels, donc le cercle des Boustani, Midat Pacha, mais ça ne peut plus être lui, le fait qu'on parle de waqf et des services militaires laisse supposer qu'il y a des musulmans dans l'affaire. On soupçonne Abdelkader, mais sans preuve. Et finalement, on en revient au Makassid, c'est-à-dire aux sociétés caritatives musulmanes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fois, les placards de Beyrouth ont une thématique analogue à ceux des journaux d'opposition publié en France et en Angleterre. Et là, automatiquement, on pense aux bailleurs de fonds éventuels de cette presse, qui sont Reddin, le Tunisien, le prince Alim, l'Égyptien, ou l'ex-Khedive Ismaïl, en exil en Italie. Les historiens du XXe siècle, comme je l'ai dit, ont voulu voir dans la seconde série des placards une manifestation de nationalisme arabe. C'est vrai que cette fois, on parle de l'usage de la langue arabe, mais l'inspiration reste encore syrianiste. La question du califat revient dans la correspondance diplomatique à l'occasion du décès du shérif de la Mecque en mars 1881. Et à cette occasion, le gouvernement hollandais, qui vous rappelle la Hollande possède ce qu'on appelle à l'époque les Indes néerlandaises, c'est-à-dire l'actuelle Indonésie, donc un pays de très grande population musulmane. Donc la Hollande a appelé les gouvernements français et anglais à une démarche commune auprès d'Abdul Hamid pour que l'on nomme un shérif qui ne soit pas trop fanatique Et donc la démarche diplomatique des trois puissances européennes a eu lieu à Constantinople. Tout ça dans le contexte où les Français combattent le pan-islamisme, comme toujours, en Tunisie. Mais en avril 1881, là arrive une nouvelle série de placards à Beyrouth, Khartoum, Bagdad et, paraît-il, même en Algérie. Alors là, pour une fois, nous avons le texte arabe du placard, ce qui nous permet de mieux saisir le sens du mot, puisqu'il s'agit alors là clairement d'un manifeste de la nation arabe, Al-Umma, Al-Arabiya, qui s'adresse aux musulmans en affirmant que la nation arabe, chrétienne et musulmane, endure toutes sortes d'iniquités de la part des Turcs. Alors que le pays est en friche du fait de leur mauvaise administration, les Turcs demandent de nouvelles dépenses, soi-disant pour défendre les intérêts. Les Turcs ont opprimé leurs sujets bulgares, grecs et autres, qui sont maintenant libérés, d'où le fait qu'ils se tournent maintenant vers la nation arabe. Les Turcs ont combattu les Russes avec l'argent et le sang des Arabes sans les récompenser. Ils les accusent même de lâcheté. Aucun Arabe ne peut accéder au grade supérieur de l'armée. La proclamation s'adresse ensuite aux musulmans dans la même tonalité de l'incapacité et de l'oppression des Turcs qui dépensent leur argent pour leur plaisir et non pour la défense des musulmans. On compare leur sort malheureux à celui des peuples des Balkans qui se sont rendus indépendants et aux Libanais et aux Égyptiens qui gèrent leurs propres affaires. Et maintenant, le texte se termine par un appel non plus aux Arabes, mais aux musulmans. Musulmans, vous êtes un peuple, Kaoum, de héros arabes prêts pour l'indépendance. Et ils insistent sur la commune identité syrienne des chrétiens et des Arabes. Vous, chrétiens syriens, Souriyin, unissez-vous avec les musulmans et préparez-vous à regagner votre liberté et vos agresseurs. Et la déclaration est signée par la Société de la sauvegarde des droits de la nation, Mella, arabe. Alors là, pour la première fois, on a un texte clairement de nationalisme arabe. C'est la dernière série des placards. Il y en aura plus ensuite. Et on a déjà, pour ceux qui connaissent la langue arabe, pratiquement tout le vocabulaire politique du XXe siècle se trouve énoncé dans ce texte du 19 mars 1881. Alors, si le vocabulaire est précis, il est clair que les identités, elles, restent encore relativement floues. Ce qui est notable dans le texte, c'est la comparaison entre les Balkans et le Proche-Orient. Et l'opposition entre Arabes et Turcs, ce que l'on peut saisir de sérieux, enfin de solide dans l'affaire, c'est qu'il est bien clair qu'aux alentours de 1880, la distinction entre Arabes et Turcs devient de plus en plus nette, même si elle ne prend pas un sens directement politique. Mais ça explique aussi pourquoi Abdelhamid pousse justement à l'affirmation califale. C'est pour empêcher cette distinction de prendre un sens politique, puisqu'il a, dans l'autre côté de l'Empire, il a le même problème. Parce qu'il y a un autre peuple dans l'Empire qui est composé de musulmans et de chrétiens, ce sont les Albanais. Et 1881, c'est l'époque de ce qu'on appelle la Ligue de Prizren, c'est-à-dire de la première manifestation de nationalisme albanais, même si l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça. Mais il faut bien comprendre qu'il y a synchronie entre l'affaire albanaise et l'affaire arabe en 1881, exactement d'ailleurs comme on la retrouvera en 1911-1913, cette synchronie entre Albanais et Arabes, c'est-à-dire les deux peuples de l'Empire qui sont majoritairement musulmans, mais qui ont une composante chrétienne. Parce que les autres ne posaient pas de problème. Enfin, contre les autres, les Bulgares, les Serbes, etc., ils étaient intégralement chrétiens à 100%. Donc la question confessionnelle et la question ethnique étaient confondues, tandis que si vous avez des peuples qui sont à la fois musulmans et chrétiens et qui se distinguent des Ottomans, à ce moment-là, c'est autre chose. D'où donc cette idée d'unité islamique. Donc, c'est plus le sultan insiste sur l'unité islamique, plus les Européens voient le complot pan-islamiste, ce qui est tout à fait logique. Et si la religion peut servir de ciment à la cohésion de l'Empire, le premier facteur reste malgré tout celui des finances. La banqueroute ottomane avait été l'une des grandes faiblesses de l'Empire lors de la guerre russo-ottomane. Mais paradoxalement, la dette ottomane avait contribué à la survie de l'Empire. Parce que quand vous devez de l'argent, vos créanciers ont intérêt à vous maintenir en vie. C'est une vieille règle, donc si vous voulez survivre, il faut faire des dettes. Les créanciers donc constituaient des lobbies, des groupes de pression relativement importants. Donc dès 1879, l'Empire ottoman avait repris un paiement partiel des intérêts de la dette. Et puis ensuite, on fait de longues discussions diplomatiques, négociations diplomatiques à plusieurs acteurs entre les différentes puissances européennes et l'Empire ottoman, qui aboutirait à ce qu'on appellerait aujourd'hui « air cutting » en anglais, c'est-à-dire une réduction de dette. C'est ce qu'on appelle le décret de Muharrem en décembre 1881. Donc on opère une réduction de la dette en opérant une conversion qui ramène les emprunts à leur valeur d'émission, c'est-à-dire ceux qui perdent dans l'affaire, ce sont les porteurs des coupons de la dette, mais pas les banques qui ont vendu les coupons de la dette. Mais on explique aux détenteurs de la dette ottomane qu'ils sont bien heureux de pouvoir, grâce à la réduction, être payés pour ceux qui restent. C'est ce qu'on explique aux Grecs aussi, parce que c'est à peu près le même système. On fixe les taux d'amortissement et d'intérêt. Ensuite, le gouvernement ottoman cède de façon irrévocable jusqu'à l'extinction de la dette un certain nombre de revenus qui seront gérés par une administration de la dette dirigée par un conseil de 7 délégués de créanciers, ce qu'on appellera la caisse de la dette. En raison de l'importance des titres détenus par la France et la Grande-Bretagne, le président de la caisse de la dette sera alternativement un Français et un Anglais. Donc l'Empire ottoman se trouve dépossédé d'une part importante de ses revenus, qui sont maintenant contrôlés directement par les étrangers, en particulier la régie des tabacs. C'est donc un État dans l'État, sous contrôle financier européen, qui est établi. Et le sel et le tabac vont constituer à eux deux 60% des revenus de la caisse de la dette. Alors inversement, le bénéfice ottoman, c'est que l'Empire peut revenir sur les marchés financiers, puisque sa notation a été améliorée par la création de la caisse de la dette. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, l'expansion française et les complots. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien publie à la mi-février Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard. Rappelons aussi L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945 chez Armand Collin en 2015. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Un grand merci à Annie Signoret de la bibliothèque de Radio France. Lundi, nous retrouverons Henri Laurence sur l'Égypte au tournant des années 1880 pour son cours « Les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle ». Et dans quelques instants, Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.